Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Et bien le bonjour, chers auditeurs de Radio Fadjet. Vous êtes bien sur le bout des ondes pour une toute nouvelle pastille poétique, deuxième du nom. J'espère que vous allez bien, que votre mois s'est bien passé et que malgré parfois l'absence constatée de quelques rayons de soleil bienheureux qui donnent la pêche, leurs souvenirs vous éclairent de la même candeur. Vous le savez dorénavant, dans les pastilles poétiques, court format de 20 minutes, on parle du monde, on parle des poésies, de la poésie, et on tisse des liens. Mieux, on essaie de voir comment la poésie peut parler de notre parfaite modernité. Cette dernière, ces temps-ci, est balancée dans le flot médiatique qui ne termine jamais sa course. Et pourtant, le défi, encore plus quand on parle de poésie, c'est d'arriver à se poser quelques temps, ne serait-ce qu'une petite demi-heure, pour se dire « je prends ce temps et je l'assume » pour tenter de voir dans ce flot continu un peu de la beauté qui prime et qui reste autour de nous. Pourquoi ? Parce que c'est justement une quête de beau qui anime notre existence. Et pour honorer cette quête, je voulais vous parler d'une forme poétique en particulier, un genre poétique même, qui remonte presque aux origines. Sacré défi, me direz-vous, quand on est tous tel Orphée sans pouvoir se retourner dans ce marathon effréné qu'est la vie. Et pourtant, il y a quelques bonheurs, parfois, sans déprimer, à se retourner et à chercher du sens dans l'avant pour éclairer l'après. Parlons de fait d'une notion poétique, celle de l'épopée. Alors, l'épopée est liée profondément à une tradition orale, évidemment, qui est un long poème qui a pour but de mettre en exergue, en valeur, les héros ou même parfois un peuple. Par son aspect traditionnel, on verra que l'épopée témoigne d'une dimension certes historique, mais aussi parfois merveilleuse et ou imaginaire. On aura l'occasion aussi de constater que l'épopée, en tant presque que ciment artistique, que cette dernière fonde sur plusieurs caractéristiques dont certains auteurs se détachent parfois. Il nous faudra logiquement aussi préciser l'éclaircissement que nous offre l'épopée sur notre profonde modernité. Ou comment, dans le bruit continu des micros, qui hurlent trop souvent et murmurent trop peu, on peut trouver un sens à relire des poèmes épiques qui transfigurent notre désir profond d'échapper belle. Mais avant tout ceci, chers auditeurs, on va commencer doucement, en musique et tendrement. Voici Ulysse, du chanteur Ridan. Fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis y retourner plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village? Je fumais la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? Qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marées, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Et quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison? Une profonde interrogation que ce bon vieil Ulysse a pu se poser lorsqu'il est parti d'Ithaque, sa mère patrie. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, 94.2 FM pour de nouvelles inspirations poétiques. La voix de votre très cher serviteur Lucas vous accompagne. Alors, nous parlions de l'épopée. D'abord, il convient de définir d'une manière plus précise ce qu'est l'épopée, au-delà de sa dimension historique ou anthropologique. C'est un long poème qui chante les mérites d'un héros ou d'un peuple, nous l'avons dit, mais c'est aussi, selon la parole du philosophe Hegel, la Bible d'un peuple. Dimension presque religieuse et fondatrice, donc. Elle concentre finalement les mythes et histoires qui ont vu naître les premiers babillements d'un ensemble fraternel, ou sororal d'ailleurs. La toute première épopée à jamais retrouvée pour l'instant est celle de l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh, roi d'Uruk. Cette dernière est composée en sumérien et recompose dans une petite rhapsodie l'ensemble d'une tradition orale en la fixant, bien sûr, sur le déroulé ambitieux d'une histoire haletante. Avant son intrigue, c'est la composition d'une fraternité, car elle regroupe en son sein les mythes de plusieurs nations. On nous présente donc Gilgamesh, personnage puissant, mais tyrannique. Enkidu sera son rival, envoyé par les dieux sous les supplications du peuple opprimé d'Uruk. Après un combat affirmé, les deux hommes conviennent d'un accord et donc d'un respect de guerriers combattants. Pas d'effusion de sang, donc. Ou disons, pas trop. Les deux partent pour la forêt des cèdres où Humbaba, un horrible géant, devra les confronter. Je ne spoile pas davantage pour les curieux, vous trouverez en librairie cette palpitante narration. Ce qu'il faut toutefois retenir, c'est que l'épopée fonde sur l'évolution de soi et sur la quête d'une sagesse qui renforce l'âme en lui faisant comprendre sa place. L'épopée réunit le grand, au sens du peuple, avec le petit, en parlant de celles et ceux qui composent ce même peuple. Je ne vous ferai pas l'affront, chers auditeurs, de vous présenter l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, qui fondent et reprécisent les mythes de cette Grèce antique qui fut l'un des plus beaux berceaux culturels de l'humanité. Les actions des héros grecs durant la guerre de Troie et le voyage d'Ulysse, qui donnèrent tant d'idées aux philosophes pour métaphoriser leur quête intérieure et le voyage qui les a transformés. Ce qui est particulièrement saisissant, c'est que l'épopée prétend, en plus de préciser les légendes fondatrices d'une nation, tenir par la main son lecteur en le faisant voyager. Et n'est-ce pas là, chers amis, la fonction première de la lecture? Visiter des pays, tutoyer les flots du vent qui fouettent votre visage quand une phrase, un paragraphe, une page vous tire de vos cinglantes habitudes et vous gifle un peu mécaniquement en vous rappelant que vivre, c'est aussi se mettre en marche de qui on est et de qui l'on peut devenir. Offrons-nous, si vous le voulez bien, une parenthèse de beau en écoutant un autre chanteur, guitariste également, qui nous recompose les vertus d'un voyage, et quel voyage, celui du même héros grec que nous poétisait Ridan tout à l'heure. Vous reconnaîtrez sa voix, mais il faudra le répéter, paraphrasant Dubélé, « Heureux qui comme Ulysse ». Heureux comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu cent paysages et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté, avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps. On vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi. Mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu cent paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand on s'en va le cœur ravi, quelle est belle la liberté, quand il fait bon vivre sa vie au grand soleil d'Occitanie, quelle est belle la liberté. Par un matin brûlant d'été, quand c'est loin le bout du chemin, quelle est dure la liberté, quand on aspire un destin, on y par l'ordre des gens bien, quelle est dure la liberté, battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu cent paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi. Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Quelle est dure la liberté quand on inspire à un destin, quand on aspire à un destin honni par l'ordre des gens bien. Le vieux Brassens aura déjà précisé cette pensée dans sa mauvaise herbe ou dans ses trompettes de la renommée. Toujours est-il qu'il nous offre, pour vos accents de fraternité, les meilleurs accords de sa guitare et sa voix qui réaccorde l'inaccordable. Comment allez-vous, chers auditeurs? Faites-vous rimer, comme moi, les nouveaux accents de poésie à cette beauté du monde qu'on aime regarder? Faites-vous comme beaucoup de la poésie sans même le savoir? Ou faites-vous-en avec poigne, avec engagement? Tous les accords sont bons pourvu que vous y trouviez votre compte. Mais qu'en est-il des caractéristiques, puisque c'était notre sujet, de l'épopée? Si c'est un genre réellement international, au sens où elle trouve son public dans tous les berceaux de l'humanité, c'est aussi un genre codé. Si je vous parle de canot, les plus néophytes, les plus rêveurs d'entre nous s'entêteront à penser à une balade que nous offriraient les accents les plus aquatiques de mère nature. Et pourquoi pas? Bah oui, les canots. Mais ici, il faut prendre les accents sérieux du latin. Canot en latin signifie je chante. Traîné d'abord et Mika ensuite seront peut-être jaloux, mais ils n'ont rien inventé le jour où ils ont remercié la ficelle de leur avoir sauvé la vie. Et oui, rappelez-vous, ficelle, sois donc bénie, car grâce à toi j'ai rendu l'esprit. La la la la la la. Le canot épique correspond au premier code rigoureux de l'épopée. Il est au début de l'Énéide, par exemple. L'Énéide, cette œuvre qui, du coup, raconte les valeurs et combats d'Énée par Virgile. Et Virgile nous dit « Je chante, poétise Virgile, les arts mêlés et le héros. » Puis il y a, sans qu'il n'y paraisse rien, sans quoi un poète ne serait qu'une immense page blanche que l'encre ne viendrait sublimer, l'appel à la muse. Rabattez votre fierté, Musset et autres Hugo, vous êtes certes mes frères, mais vous non plus n'avez, et vous le savez, rien inventé. Je sais, vous tremblez dans votre linceul, mais vous avez mieux fait. Vous avez, très chers amis poètes, réinventé. Homère l'attend déjà dans l'Iliade et l'Odyssée, cette muse. Muse, dit-il, chante ce héros. On entend, chez les Français, Voltaire appeler l'auguste vérité dans l'Henriade, épopée en l'honneur d'Henri IV. Et puis finalement, comment parachever les codes de l'épopée sans vous parler de la descente aux enfers? Comment l'épopée pourrait mieux parler de la fatalité humaine sans fondamentalement évoquer cette curiosité malsaine qu'il a pour l'après, non content d'embrasser la plus parfaite immortalité? Les enfers racontent le destin tragique de la condamnation. Ils sont punitifs chez les plus religieux d'entre nous et tentateurs pour les plus libidineux. Énée, comme Ulysse, descendent aux enfers et les décrivent. Ils témoignent gentiment, sans qu'il n'y paraisse rien, que les hommes se soucient d'exister pendant et après la vie. Certains auront conjugué cela malicieusement en séduisant la postérité. D'autres auront compris que la mort n'est pas une fin, mais un début. D'autres prendront la tangente et vivront le carpe diem, incarneront chaque jour en le croquant comme si c'était le dernier. Et lorsqu'ils iront, selon la formule du professeur poète disparu, fertiliser les chrysanthèmes, ils n'auront que la paix sur le visage et auront vécu assez lentement et doucement pour laisser bien devant eux les regrets qui ne les auront pas étouffés. Voici ce qu'à peu près je pouvais vous dire des codes de l'épopée. On trouve bien sûr le voyage en mer qui démontre cette folle envie de l'homme d'aller vers l'inconnu, mais rien de plus évocateur que cette épopée qui chante certes les peuples, mais aussi ce qui fait que l'homme est homme. De Gilgamesh à l'Iliade, en passant par les travaux et les jours d'Hésiode, de l'Énéide à la Pharsale de Lucain, en passant jusqu'à la chanson des Nibelungen, celle de Roland qui tutoie les tragiques d'Aubigné ou la Franciade de Ronsard, tous et toutes témoignent aussi de l'homme dans sa plus tonitruante et parfois obscure vérité. Mais l'épopée, si parfois elle raconte des exploits guerriers, conjugue avant de démêler. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couvent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste D'autres moustaches m'ont dit, au poste, ah mon ami, oui, oui, oui, oui, c'est vous le chanteur, le vagabond, on va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé la vie, ficelle, sois donc béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit, je me suis pendu cette nuit et depuis, je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo, et je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Non, non, je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, et je chante sur mon chemin. Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Et oui, à peine nous l'évoquions qu'il a percé l'éternité de ses chansons qui donnent la pêche pour entamer le canot de notre chronique offerte à nos auditeurs de Radio Fadjet en bouquet. Ce sont toujours les arpèges de votre deuxième pastille poétique qui sifflotent un air épique. Et il faut s'y attarder, nous le disions, mais l'épopée conjugue avant de démêler. Elle conjugue les peuples, leur présente la raison de leurs associations que certains accusent d'être de plus en plus timides, de plus en plus tendues. Et vous me direz logiquement, pourquoi s'embêter avec l'épopée ? Eh bien parce que dans un temps où l'actualité nous assassine et nous divise, il faut miser sur le liant. Au diable ce qui délie, au cachot les diviseurs et béni soit les multiplicateurs. Et l'épopée, même si elle chante la vertu des guerriers, réconcilie avec l'immense fraternité. Réunit les gens sous une grande aura qui leur permet de se reconnaître. Ils peuvent se fier plutôt que se défier. Ils peuvent se joindre plutôt que se disjoindre. L'horreur que représentent, me direz-vous, certains préfixes parfois. Et il est de notre petit grand devoir de rappeler à qui doit l'entendre que les temps sont plus que jamais à la nécessité de la poésie, qu'elle n'attend que cela de raconter la guerre en sachant la pointer du doigt et que rien, pas même de faux intérêts, ne peut avoir l'entêtement et la folie de pouvoir que prétendre que les hommes ont été faits pour se taper dessus, sinon pour les protections futiles et l'assouvissement des mégalomaniaques. Alors, j'ose le prétendre, chers auditeurs, feuilletez, prenez en compte, que vous soyez bon lecteur ou pas, un peu de ce que l'épopée sait raconter de ce qui nous lie. Et même quand elle raconte le délitement, même quand elle poétise l'affrontement. Sachez la regarder avec cette tendresse qui consiste à dire que ce qui reste à la fin, c'est l'impérative nécessité de se rassembler. Telle une belle leçon, une approche vivante et immensément moderne, quand l'affreux téléviseur se plaît à apprendre au plus peureux la méfiance de son prochain et de faire passer les diables pour des anges. Prenez donc la plus belle masse de votre grand-père, que votre grand-père garde ou gardait secrètement dans ses jardins et étalez-la de tout votre long sur les images choquantes et les idées de la guerre. Souriez à votre voisin, aimez-le autant que cela soit possible et n'oubliez pas que la poésie trouvera subrepticement tout cela très joli et très beau. Et voici, chers amis, que se conclut votre deuxième élan poétique, un peu de soleil dans les ténèbres, parfois illusoire du monde délité. Je vous retrouve donc le dernier mardi, du mois d'avril à 19h pour une nouvelle empreinte sur l'existence pleine de poésie. C'était Lucas pour les pastilles poétiques. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, notamment en tapant le silène onirique, LE-8S1LEN-8ONIRIQE. Oui, je sais, c'est très long. Et bien sûr, vous retrouverez tout bientôt cette pastille en podcast sur le site de votre radio préférée, Radio Fadjet 94.2 FM, l'onde qui privilégie les bonnes ondes. À très bientôt, je vous embrasse.